Chapitre 3. La première idée qui aurait dû venir aux hommes de science était, à ce qu'il semble, celle d'épurer les eaux d'égout en les filtrant à travers un sol approprié à cette fonction. C'est le procédé que la nature indique elle-même. Vous avez tous, un jour de promenade, recueilli dans le creux de votre main un peu de cette eau fraîche qu'épanche une source au flanc d'une colline ou au coin d'un bois. Elle est claire, limpide, délicieuse. D'où vient-elle pourtant? C'est de l'eau de pluie qui, souvent, a coulé sur un toit, qui est arrivée sur la terre chargée, souillée de matières végétales et animales. Elle a lentement cheminé à travers le sol, essayée, jour à jour, débarrassée des impuretés qu'elle charriait avec elle. Elle jaillit, à la sortie, purifiée et nette. Le sol a donc joué le rôle d'épurateur, ou si vous aimez mieux, de filtre. Les chimistes n'ont pas manqué d'analyser ce phénomène qui est des plus simples. Lorsque des eaux impures, celles des égouts si vous voulez, puisque nous parlons d'égouts, sont versées sur un sol meuble, friable, les matières insolubles sont d'abord arrêtées à la surface comme elles le seraient par le filtre artificiel de l'humble fontaine de votre cuisine. Quelques particules assez ténues pour franchir ce premier obstacle sont bientôt fixées un peu plus bas. Tel est le premier effet produit. C'est un simple filtrage mécanique. L'eau, déchargée de ses matières insolubles, descend plus avant. Le sol s'en imbibe. Chaque particule de terre s'enveloppe d'une couche de liquide extrêmement mince. Alors, voici ce qui arrive. Peut-être vous rappelez-vous ce que je vous ai dit dans mon premier article des immondices jetées à l'eau. Les matières organiques ne s'y décomposent pas parce que les milliards d'animalcules chargés par la nature de les transformer ont besoin d'oxygène pour vivre. Eh bien, l'eau d'égout, se divisant ainsi dans le sol qu'elle parcourt, présente à l'air qui ne cesse d'y circuler une surface énorme. C'est alors que s'opère, grâce à ce travail invisible des infiniment petits de la nature, la combustion des matières organiques dissoutes dans cette eau sale. On dit que le feu purifie tout. Il n'y a pas, en effet, de matière organique si impure, si malsaine, que le feu ne transforme, avec le concours de l'oxygène de l'air, en composés minéraux absolument inoffensifs. Dans l'intérieur du sol se passe un phénomène du même ordre, non plus violent et visible comme le feu, mais lent, sans aucun signe extérieur. Ce n'en est pas moins une combustion, qui réduit toute impureté en acide carbonique, eau et azote. Il lui arrive même d'être plus parfaite que la combustion vive. Les matières insolubles, retenues à la surface, n'y échappent pas elles-mêmes, surtout quand le labour les a incorporées dans le sol. Tout ce qui reste est un sable extrêmement fin qui comptera désormais parmi les éléments minéraux de la terre. Une fois ce travail accompli, l'eau s'échappe, absolument limpide, à la première issue qu'elle trouve, en suivant la pente des lieux. Une partie en est pompée et évaporée par les plantes. Il est clair qu'il faut proportionner la quantité d'eau que l'on verse sur un terrain à son étendue et à son pouvoir comburant. Vous avez vu que la combustion n'est pas instantanée, elle se fait lentement au contraire. Si l'eau traverse trop vite les couches des filtres où elle doit s'épurer, le sol n'aura pas le temps de brûler les matières organiques qu'elle contient. Il les laissera passer et elle en sortira toute souillée encore. C'est le calcul à faire. Il a été fait en Angleterre d'abord par M. Frankland, puis à Paris, par nos ingénieurs qui se sont servis des procédés du savant anglais. Ils ont fait passer journellement 10 litres d'eau d'égout sur une caisse remplie de terre prise à Gennevilliers. La caisse avait 2 mètres de haut sur 80 cm de large. L'épuration a été complète. S'ils avaient choisi pour cette expérience de laboratoire une parcelle de sol empruntée à la presqu'île de Gennevilliers, vous pensez bien que ce n'était pas sans motif. Ils avaient reconnu que ce sol caillouteux, facilement perméable, était merveilleusement propre au filtrage des eaux d'égout, et ils se proposaient de répéter l'expérience en grand dans ce pays même. Il faut ajouter qu'ils avaient d'autres données plus pratiques. L'épuration par le sol est un procédé depuis longtemps en usage en Angleterre, où il a donné les plus sérieux résultats. L'application la plus connue du procédé d'épuration par le filtrage à travers le sol est celle qui a été faite par M. Bailey Denton à Merthyr Tydfil à partir de l'année 1870. L'irrigation est pratiquée à raison de 180 à 240 000 mètres cubes par hectare et par an. Le sol filtrant à une profondeur de 2 mètres, l'épuration est aussi complète qu'on peut le désirer. Les ingénieurs avaient trouvé qu'un hectare de sol de Gennevilliers pouvait épurer complètement 57 000 mètres d'eau d'égout. L'essai fut résolu. Mais ils allaient se heurter à une difficulté qu'il était facile de prévoir. Je vous suppose propriétaire à Gennevilliers. On vient vous dire « Monsieur, votre terrain est exécrable, il n'y pousse rien. Nous allons, si vous le permettez, y verser tous les jours de l'eau d'égout, vous savez bien cette eau noirâtre et infecte que vous voyez à Asnières sortir du grand collecteur, etc. » Vous ne laisseriez pas, à coup sûr, achever la phrase. « Jamais de la vie !» vous écririez-vous. On aurait beau vous remontrer que cette eau d'égout est un engrais très puissant, que vous pourrez, grâce à lui, cultiver tout ce qu'il vous plaira, que vous enverrez au marché des choux énormes, des carottes monstrueuses et de délicieux navets. Tous ces beaux raisonnements ne vous convaincraient point. De l'eau d'égout ? Ah, Dieu merci ! On veut nous empoisonner ! Ainsi parleriez-vous, vous, monsieur, qui me lisez, et cependant vous êtes sans doute un homme instruit, et par cela même libre de préjugés. L'éducation que vous avez reçue vous a mis à même d'écouter et de comprendre des arguments tirés de la science. Vous êtes capable de vous éclairer sur une question en étudiant les rapports des hommes compétents. Vous n'avez pas contre eux cette défiance bête du paysan qui ne croit qu'à la routine et repousse de parti pris toute innovation. Jugez un peu de la façon dont les naturels de Gennevilliers, les sauvages que je vous ai dépeints au premier chapitre, durent accueillir les propositions qui leur furent faites. Ils reculèrent d'horreur. On s'y attendait. La ville acheta un certain nombre d'hectares qu'elle destinait à être le premier champ d'expérience. Elle comptait bien que, si ces expériences réussissaient, comme on était en droit de l'espérer, ce seraient les paysans eux-mêmes qui viendraient demander cette eau, qu'ils refusaient si énergiquement aujourd'hui.